Il est 10h sur le 8-9-5 de Radio Duo, vous êtes sur la bonne fréquence. Alors peut-être pour vous, auditeurs, auditrices, un nouveau générique, vous vous dites qu'est-ce qui se passe sur le 8-9-5 ? Eh bien, c'est le retour, le grand retour d'une émission radiophonique consacrée à la bande dessinée au 9e art, qui a existé, oui, il y a bien longtemps, dans les années 90, qui a duré bon nombre d'années, qui s'appelait et qui va toujours s'appeler « Au rieur sanglier ». Alors, pour les gens qui ne sont pas connotés BD, eh bien, il va falloir que vous alliez trouver sur Internet pourquoi « Au rieur sanglier ». Peut-être qu'un jour, je vous délivrerai la solution. Alors, une émission qu'on va retrouver tous les mois, le troisième mercredi de chaque mois. Pour le mois de mai, bah, ça sera le 15 mai, j'ai déjà regardé la date. Et de quoi ça va causer ? Eh bien, tout bêtement, on va parler bien sûr de bande dessinée, on va parler d'informations concernant la BD. S'il y a un festival dans le coin, pourquoi ne pas vous en parler ? Surtout, essayer de vous donner envie de lire de la bande dessinée. Quelle que soit effectivement sa forme, quel que soit son format. Évidemment, on ira pêcher quelques perles, on aura beaucoup de coups de cœur quand je dis « on, je ». Devrais dire, puisque je suis le seul animateur de cette émission. On va essayer d'éviter de parler à Alain Delon. Donc, on va parler de bandes dessinées, de choses que j'ai lues, de choses que j'ai envie de vous parler. Pour vous dire aussi que le 9e art, c'est quelque chose qui me paraît très très important. On parle beaucoup de cinéma, on parle beaucoup de musique. On parle un petit peu moins de bandes dessinées. Ça a toujours été considéré, enfin quand je dis toujours, il y a encore quelques années, comme une sous-culture. Ça l'est un petit peu moins, c'est vrai qu'il y a des librairies spécialisées bande dessinée, il y a aussi maintenant sur internet des blogs, etc. etc. Et pour démarrer, eh bien, Au rieur sanglier, donc cette nouvelle émission sur la bande dessinée, quoi de plus normal que de parler un petit peu local ? Bien sûr, c'est aussi un des buts de Radio Duo, de parler aussi de ce qui nous touche, qui nous rapproche. Et de parler un petit peu des éditions Jargy. Alors les éditions Jargy, c'est la seule maison d'édition consacrée à la bande dessinée sur la région stéphanoise. Ils fêtent cette année leurs 20 ans. Je pense qu'on en reparlera, puisque à l'occasion de la fête du livre qui a toujours lieu aux alentours de mi-octobre, eh bien, il y aura une exposition, il y aura pas mal de choses consacrées donc à Jargy. Alors Jargy, c'est une maison d'édition qui a été créée donc en 2004, et qui en fait est un réservoir d'images. Quand je dis images, effectivement, il parle essentiellement de bande dessinée, mais il n'hésite pas à faire aussi des bouquins sur la photo, des bouquins d'illustration, etc. Et ils ont en particulier, ces derniers temps, une très belle nouveauté qui s'appelle « Un dromadaire dans la forêt ». Donc aux éditions Jargy, 142 pages, 25 euros quand même, 142 pages, un joli petit bébé. Et c'est l'histoire d'un jeune citadin, on va dire un petit peu basané, entre guillemets, qui vient de se faire plaquer et il prend la route pour faire le vide. Lorsque soudain, alors qu'il est en train de rouler tranquillement, un dromadaire apparaît sur la route et qui envoie son véhicule dans le décor. Mais il se dit, que fait un dromadaire, effectivement, ici, dans cette forêt française ? Eh bien, vous le saurez si vous lisez donc cette BD qui s'appelle « Un dromadaire dans la forêt ». Il y a un magnifique scénario. C'est un jeune dessinateur qui s'appelle Oz Bayol. C'est sa première BD. Ça fait penser un peu pour les gens qui s'intéressent à la bande dessinée. Ça fait penser à un grand auteur italien qui s'appelle J.P. Le dessin, la charte graphique ressemble un petit peu à ça. Et le scénario signé Michael Mignet est formidable. Franchement, on lit ça comme un polar, 142 pages. Donc ça vient de sortir aux éditions Jargy et ça coûte la modique somme, modique entre parenthèses, de 25 euros. On va faire une petite respiration musicale. On prendra aussi cette habitude d'essayer de ne pas trop s'étaler et de vous vriller un peu les oreilles. On fera des petites respirations musicales. Et on va commencer par un morceau tout à fait symbolique, mais qui va rattacher à ce dont je vais parler ensuite. On écoute le Velvet Underground, avec bien sûr un des grands classiques du Velvet tiré du premier album. Ça s'appelle Sunday Morning. Dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Vous êtes bien sur la bonne antenne du 895, vous êtes bien dans Horreur Sanglier. Donc la nouvelle émission mensuelle de bande dessinée que vous allez retrouver tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Donc nous sommes bien sûr le mercredi 17 avril, 10h08, et on vient d'écouter Sunday Morning tiré du premier album du Velvet Underground. Et ce n'est pas du tout un hasard, tout bêtement, parce que je vous explique... c'est qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps un bouquin formidable, franchement, après de vous avoir parlé du Un dromadaire dans la forêt des éditions Jargie, un bouquin formidable qui vient de sortir à la boîte à bulles, qui est effectivement là aussi une maison d'édition très intéressante, indépendante. Un bouquin qui coûte 26 euros, qui fait quand même 182 pages, signé d'un jeune auteur israélien qui vient de Tel Aviv et qui vit maintenant à New York, qui s'appelle Koren Shadmi. Ça s'appelle The Velvet Underground, dans l'effervescence de la Warhol Factory. Alors, bien sûr, le Velvet Underground, tout le monde en a entendu parler. Un peu moins de personnes ont écouté, et encore moins de personnes ont acheté le premier album à l'époque, quand il est sorti en 1967. C'est ce qu'on écoute derrière un morceau, encore une fois, tiré du I'm Waiting for My Man, chanté par Lou Reed. Oui, ce groupe mythique et iconique, tout bêtement, à l'époque... a dû vendre moins de 1000 albums au moment de sa sortie. Mais on dit que sur les 1000 personnes qui l'ont acheté, 10 000 groupes se sont formés dans les 20 ou 30 années qui ont suivi. Donc Koren Shadmi va s'intéresser essentiellement au début de l'histoire du Velvet Underground, c'est-à-dire on est à New York au milieu des années 60. Un certain Andy Warhol est en train de se créer une carrière absolument formidable, puisque donc créateur... de génie, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un d'extrêmement créatif qui fait de la photo, qui fait de la peinture, qui fait des performances et qui, par le truchement de la rencontre entre John Cale et Lou Reed, les deux mentors du Velvet Underground, va leur proposer de produire ce premier album qui s'appelle Velvet Underground and Nico. Puisque Nico est un personnage, un rouage très important de cette histoire. À l'époque, jeune modèle allemand, elle essaye de percer dans la pop culture américaine. Et Warhol la prend sous son aile et l'impose carrément aux gens du Velvet Underground. Et ça donne ce bouquin magnifique, dans l'effervescence de la Warhol Factory, qui essentiellement parle de ce début d'histoire du groupe, mais va aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au décès de Lou Reed, il y a quelques années. Et franchement, je pensais assez bien connaître l'histoire du Velvet Underground. J'ai appris encore des trucs, et surtout, j'ai beaucoup aimé le rythme. En fait, c'est un livre qui se lit, qui s'écoute presque comme un album du Velvet Underground. Donc voilà, sorti à la boîte à bulles, signé Karen Chadmi, 26€, 182 pages, le Velvet Underground dans l'effervescence de la Warhol Factory. Puisqu'on parle de musique et qu'on est sur la bonne antenne, le 895 de Radio Audio, radio s'il en est très musical, on va parler d'un autre bouquin qui est sorti aux éditions Sarbacane, qui vient de sortir, enfin il y a quelques semaines, d'un auteur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle France Duchazeau, qui s'appelle « Les derniers jours de Robert Johnson ». Alors, 236 pages, là aussi on fait très très fort, 29,90€, là on le fait un peu moins, mais c'est un magnifique album, en noir et blanc, au trait absolument fantastique. Ce noir et blanc très épuré, très proche de l'os, nous propose effectivement les 48 dernières heures de, là aussi, après le Velvet Underground, un élément très iconique de la musique contemporaine. Robert Johnson, c'est quelqu'un qui est mort à l'âge de 27 ans, qui a, entre guillemets, instauré cette fameuse litanie, cette fameuse fantasme comme quoi les grands génies meurent à l'âge de 27 ans. C'était le cas de Brian Jones, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, pour en citer quelques-uns. Ça va être le cas de Robert Johnson, celui qui a inventé le blues moderne, celui qui a inventé les 12 mesures. Ça donne un bouquin qui est fantastique, à la hauteur aussi de l'album du Velvet Underground. Il faut dire que France Duchazeau est un auteur hors pair. Il avait déjà œuvré dans la BD musicale. Il a fait pas mal de bouquins qui se rapportent au blues et à la musique américaine. Et là, je pense que c'est un des points d'orgue de son œuvre. Ça s'appelle donc « Les derniers jours de Robert Johnson ». Là aussi, ça se lit quasiment comme un polar. Pendant ces 48 heures, il va se passer effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on va malheureusement... On connaît la fin avant de commencer à lire le bouquin. En tout cas, ça reste pour moi un truc assez essentiel. Et en guise de cerise sur le gâteau, ça valait quand même le coup de réécouter Robert Johnson, qu'on n'écoute pas assez souvent. On va le retrouver avec un morceau qui a été rendu célèbre beaucoup plus tard par les Blues Brothers. Je veux parler de Sweet Home Chicago. Hey, baby, don't you want to go? Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée sur le 895 de Radio Duo. Il est 10h16. Alors pourquoi du blues et pourquoi ces craquements? Alors pour les petits craquements, la petite histoire, c'est que en fait le master a été fait d'après un 78 tours, donc les craquements sont restés puisqu'ils ont trouvé en fait un exemplaire un petit peu usagé de cet album. Pourquoi donc Robert Johnson? Pourquoi du blues? Tout bêtement parce que je viens de parler d'un bouquin formidable qui s'appelle Les derniers jours de Robert Johnson, signé France Duchazeau chez Sarbacane, 236 pages, 29,90 €. Un de mes coups de cœur de ces dernières semaines. Juste avant, on a parlé du Velvet Underground dans l'effervescence de la Warhol Factory. Un album là aussi formidable, un ouvrage formidable à la boîte à bulles. Et au tout début, on a rendu un petit hommage bien sympathique aux éditions Jargille, édition stéphanoise, maison d'édition stéphanoise, avec un dromadaire dans la forêt. Un autre coup de cœur, là aussi, et là, on parle d'un bouquin qui, je pense, va marquer la bande dessinée, réellement, vraiment. D'abord parce que c'est un auteur qui est... très musical, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a œuvré dans pas mal de fanzines musicaux, dans 19 et d'autres, qui a aussi dessiné dans Rock'n'Folk. Je veux parler de Jean-Christophe Chosy, qui maintenant habite la région lyonnaise et qui sort chez Casterman un bouquin incroyable, un bouquin autobiographique qui s'appelle 109. Alors, en fait, 109, c'est une histoire peu commune, c'est une aventure intérieure. Au début de l'année 2020, à la suite d'examens sanguins, donc Jean-Christophe Chosy comprend que son corps est atteint d'une maladie de sang très rare, la maladie du sang rare, très grave, qui s'appelle une myélofibrose. Et là, il n'y a qu'une seule solution, il y a une vraie urgence. La seule solution qu'on lui propose, c'est une greffe de moelle osseuse. Bien sûr, il faut trouver un donneur. Et ce donneur, en fait, va être sa sœur Corinne. Un truc incroyable donc, qui va se passer, cette espèce de filiation entre frères et sœurs. Elle va bien sûr accepter. Elle habite Toulouse, elle va monter jusqu'à Lyon. Et là, Jean-Christophe Chosy nous raconte, pendant presque 2 ans, l'histoire qui va lui arriver avec son hospitalisation, avec cette greffe, avec la relation qu'il va avoir avec le corps médical, les relations aussi avec sa compagne, puisqu'il faut savoir que Jean-Christophe, quelque temps auparavant, avant cette malheureuse histoire, il habitait Paris intramuros, et que donc il a déménagé pour retrouver donc, sa tendre et chère. Ça donne un récit qui est sans misérabilisme, qui est vraiment un truc qui vous prend aux tripes. Alors bien sûr, hein, c'est peut-être compliqué à vendre, ça pour un libraire, parce que quand on explique le sujet, les gens ont tendance à dire « non, là, je vais l'offrir, ça va être compliqué, etc. » Il faut passer ce cap. Il faut passer ce cap. Ça donne un 250 pages qui sont à la fois émouvantes, à la fois rock'n'roll. J'aime pas bien utiliser ce terme, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Il va passer par plein de périodes compliquées, mais des périodes aussi un peu plus drôles. Il faut savoir que Chosy, son univers graphique, c'est plutôt l'humour. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé pour Fuite Glaciale. Et donc, cet album, 109, est un album, mais vraiment incroyable. C'est un album que j'avais eu la chance de lire auparavant, puisque j'ai la chance de croiser assez souvent Jean-Christophe. On se connaît depuis longtemps. J'étais au courant de sa maladie. J'ai été une des rares personnes à qui il avait fait cette confidence. Et pour moi, c'était un gage d'amitié absolument exceptionnel. Et le bouquin, j'ai retrouvé dans le bouquin tout ce que j'avais pu, entre guillemets, entrevoir dans les propos qu'il me tenait au téléphone. Donc voilà pour 109 qui sort aux éditions Casterman. Quelque chose de beaucoup plus léger, qui m'a aussi bien inspiré. Pourquoi ? Parce que ça parle de nostalgie, ça parle surtout de l'enfance. C'est un auteur qui s'appelle Sébastien Sanson. Ça sort là aussi à la boîte à bulles, 144 pages, 24 €. C'est la confrontation entre le petit garçon qu'il était à l'âge de 9 ans et lui à l'âge adulte en tant que dessinateur. Là, il va y avoir une confrontation qui va se passer, en fait, tout à fait symbolique, comme s'il y avait eu un trou noir. Et qu'à travers ce trou noir, en fait, les deux personnages se retrouvaient, lui à l'âge de 9 ans et lui à l'âge adulte. Et en fait, alors, son enfance, elle a été particulièrement originale et très différente. C'est qu'en fait, sa maman était garde-barrière. Et on va le retrouver à l'âge de 9 ans. Et comment un gamin de 9 ans, il découvre effectivement ce que c'est qu'un train, ce que c'est que des voies ferrées, ce que c'est qu'être garde-barrière. Avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de, je dirais, d'à-propos. Ça s'appelle Entre deux gares, c'est signé Sébastien Sanson, ça sort à la boîte à bulles. J'ai vraiment adoré ce bouquin. D'ailleurs, si tout va bien, et on en reparlera, il viendra certainement, mais simplement au mois de décembre, dans le cadre d'un festival que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle le Festival BD Art de Rive-de-Gier, qui a lieu toutes les années le premier week-end de décembre. Et normalement, Sébastien Sanson sera présent. On va se faire une petite respiration musicale et on se retrouve bien sûr après ça. I see you right on time. I hope you'll get there soon. If you leave now, then I'll be fine. I'll meet your boyfriend in the park. I'll be the jet to meet his shark in my tights. We'll do the rumba, then we'll swing. I'll sneak behind him with my string. And as he screams, I'll start to sing tonight. Tonight. Bien sûr, la bonne antenne du 8-9-5, c'était Chris Brown qu'on vient d'écouter. Alors, Horreur Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée qu'on retrouve pratiquement 20 ans après, puisque cette émission, comme je le disais en préambule, existait dans les années 90 sur cette même radio. On vous parle de 9e art, on vous parle de bande dessinée, des coups de cœur, mais pas uniquement. On essaiera de ne pas être trop aussi dans le public reportage, c'est-à-dire uniquement parler de choses qui nous ont intéressés, ça sera l'essentiel. Mais il y a aussi, de temps en temps, avec des coups de cœur, il y a aussi des choses un peu moins bien qu'on attendait, etc. C'est un peu le cas avec ce bouquin là qui s'appelle Lamar, qui est signé Eric Krieck chez Hans Pasch, 130 pages, 29 euros. Très très beau bouquin, enfin très beau dans la forme, ce qu'on appelle un dos toilé, hein, donc sur le côté en fait la reliure est en tissu, c'est très très beau. Et j'attendais beaucoup ce bouquin parce que en fait on avait l'impression quand on voit la couverture que c'est un élève entre guillemets d'un auteur américain que j'adore depuis de nombreuses années, qui est probablement un des plus grands auteurs de bande dessinée du 21e siècle. Je veux parler de Charles Burns. Et Lamar, Quand on prend le bouquin, effectivement, la couverture fait penser à Charles Burns, l'intérieur un peu moins. L'histoire est pas mal. Après le décès tragique de leur fils, les deux personnages, le mari et la femme, Hubert et Sarah, s'installent dans une ferme familiale perdue au milieu des bois. Et là, l'histoire va basculer avec un côté très ésotérique, très fantastique, puisque sur les terres où se trouve cette ferme, il y a une mare avec une eau très très noire, d'un noir profond, et qui là va faire ressurgir les démons du passé. Un peu déçu, parce que peut-être que j'attendais trop de cette BD. Ça pourrait faire effectivement un bon scénario de film de série B, mais malheureusement, ça s'arrête là. Et une autre déception, une autre déception mensuelle, c'est T'inquiète, qui est signée par le gratin, on va dire, de la BD humoristique actuelle. Tous ces gens très, très iconiques et ironiques que sont Beignet, Bouzard, Fabrice R., Fab Caro, le grand Fab Caro, et Gilles Rochier. Ça sort, c'est 6 pieds sous terre, ça coûte 18 euros. Et en fait, c'est... comment dire ? Ça a été fait dans un esprit cadavre exquis, c'est-à-dire que l'histoire est la même pour les cinq. En fait, c'est l'histoire de cinq protagonistes qui se retrouvent, qui reçoivent un même courrier et qui doivent se retrouver dans un endroit. Ils sont musiciens, tous les cinq. Et en fait, ils doivent se retrouver pour faire un concert unique. Leurs instruments, c'est que de la percussion, du conga, de la grosse caisse, de la guimbarde, du gong. Et en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le récit est en dents de scie. Autant on va évidemment beaucoup rire avec Fab Caro, un peu moins avec Gilles Rochier. Là où j'ai été un peu plus déçu, c'est par Bouzard et Beignet, des auteurs que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas, à mon avis, dans le rythme. Donc ça s'appelle T'inquiète. Petite déception, l'album se lit quand même, mais voilà, 18 euros. Est-ce que vous me donnerez un jour un avis ? N'hésitez pas. En parler sur le site de Radio Dio, les www.radiodio.org. Et donc voilà pour ces deux petites déceptions. Je voulais quand même, à propos de Charles Burns, dire quand même que le dernier festival d'Angoulême qui a eu lieu fin janvier, comme d'habitude, a couronné l'album Monica de Daniel Klaus chez Delcourt, qui est magnifique. De toute façon, Daniel Klaus, à l'instar de Charles Burns, c'est un auteur américain absolument incroyable. Et voilà, c'est une série d'histoires interconnectées qui a donné effectivement le grand prix d'Angoulême. Faire une petite respiration musicale, une nouvelle petite respiration musicale. Là, on va retrouver une version assez incroyable d'un morceau très connu de Bruce Springsteen qui s'appelle Thunder Road, mais fait uniquement avec un ukulélé, avec un auteur d'ailleurs qui est passé par les studios de Radio Dio, quelqu'un qu'on avait reçu avec grand plaisir. Il s'appelle Jim Boggia, Thunder Road. Busted open the two lanes. Jackson's waiting on the track. Oh, oh, come take my hand, riding through the night to kiss the promised land. Oh, oh, oh, Thunder Road, oh, Thunder Road, oh, Thunder Road, lying out there like a killer in the sun. I know it's late, but we can make it if we run. Oh, oh, oh, Thunder Road, sit tight. But the ride ain't free. And I know your lonely words and I ain't spoken, but tonight we'll be free. All the promises will be broken. There's ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burn out Chevrolets. They scream your name at night in the streets. Your graduation gown lies in rags at their feet. In the lonely cool before dawn, you hear the engines roaring on, but when you get to your porch, they're gone on the wind. So Mary, climb in. It's a town for losers. I'm pulling out of here to une version absolument extraordinaire de ce morceau, ce grand classique de Bruce Springsteen, Thunder Road, simplement la voix de Jim Boggia et son ukulélé 4 cordes. On en revient donc au magazine Aux Rayures Sangliers, puisque vous êtes bien dans ce magazine, il est 10h33 sur 895 de Radio Dio, le magazine mensuel de la bande dessinée qui revient sur les ondes. Après deux petites déceptions dont j'en ai parlé, hein, Lamar, signé Eric Krieck, et surtout un bouquin qu'on entendait beaucoup qui s'appelle T'inquiète, signé quand même d'un quintet absolument incroyable, Beignet, Bouzard, Fabrice Air, Fab Caro, Gilles Rochier. On va revenir à quelque chose aussi dont on parlera de temps en temps, dont j'aime bien parler, on évitera pas non plus de parler de comics, de mangas. Là, en l'occurrence, on va parler d'une BD jeunesse qui s'appelle Ma Petite Louve, qui est donc plutôt réservé à un lectorat plus jeune, hein, ado. 151 pages, 22,95€, qui sort chez Delcourt, signé Camille Garoche. Alors Camille Garoche, pour les gens qui s'intéressent surtout à l'illustration, elle est très connue dans ce milieu-là. Là, elle illustrait bon nombre, des dizaines et des dizaines de bouquins, de romans. Et là, elle nous sort une BD assez jouissive qui s'appelle « Ma petite louve ». Qui mélange à la fois l'attentat du Bataclan, puisqu'en fait on va retrouver une petite fille dont la maman a été victime de cet attentat. On va retrouver aussi la préservation de l'espèce, puisque ça parle en fait d'une découverte de trois louveteaux suite à l'abattage de leur maman, d'une louve. On parle aussi d'harcèlement scolaire, puisque la gamine bien sûr ne va pas être très comprise, puisqu'elle en fait elle découvre un autre univers, une autre école. Ça parle aussi du deuil, de la résilience. C'est un bouquin qui est formidable, je trouve, pour les ados, puisque pendant très longtemps, la bande dessinée, c'était uniquement, ça a été pendant très très très longtemps, du divertissement. C'était des petits Mickey. Et puis, de plus en plus, on s'adresse à un public concerné, un public ado, mais qui a des choses à lire et des choses aussi à dire. Et ça donne Ma Petite Louve, de Camille Garoche, aux éditions Delcourt, qui est un formidable bouquin. Le temps passe, on va quasiment terminer l'émission en parlant quand même deux bouquins qui me paraissent totalement essentiels, bien sûr. Je veux parler du Meunier hurlant, qui est signé Nicolas Dumonteil, qui sort chez Futuropolis, 24€, 152 pages. Là aussi, pour les aficionados de la bande dessinée, Nicolas Dumonteil, c'est pas un perdreau de six semaines. C'est quelqu'un qui a fait des bouquins, des BD absolument formidables, la série Bigfoot par exemple, Qui a tué l'idiot, Le Landais volant aussi. Il a un univers incroyable, ce type. C'est une BD frappadingue. Et je pense que Nicolas Dumonteil doit l'être aussi un peu. C'est l'adaptation d'un roman d'un auteur finlandais qui s'appelle Arto Paasilinna. Et ça se passe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'un type qui arrive dans un village et qui veut remettre en marche un moulin. Effectivement, il est meunier, sauf que il est un petit peu décalé, le garçon. Je pense que la guerre l'a un petit peu touché, atteint, et régulièrement il imite les animaux, il se met à hurler dans la vallée, et évidemment les gens du village vont très moyennement apprécier. Il va rentrer en conflit avec eux, mais il faut savoir que ce récit tel que je le raconte, en fait, il est traité d'une manière très humoristique, puisque Nicolas Dumonteil, c'est quelqu'un qui manie l'ironie d'une manière assez incroyable. Et Le Meunier hurlant fait encore partie de ces BD qui sont pour moi quasi incontournables, qui à la fois parlent d'un sujet qui peut être grave, puisqu'en l'occurrence, c'est l'histoire d'un type qui essaye de s'intégrer dans une communauté, enfin dans un village en tout cas, et ça ne fonctionne pas. Donc ça sort chez Futuro, 152 pages, 24€. Et évidemment, on va terminer par ce qui est quand même la grosse sortie de ce moment. C'est évidemment l'adaptation de La Route, le fameux bouquin de McCarthy, qui est adapté par Manu Larcenet. Est-ce qu'on doit encore parler de Manu Larcenet ? Est-ce qu'on doit encore le décrire ? Pour moi, c'est un des auteurs BD très très importants de ce 21e siècle. C'est quelqu'un qu'on avait découvert par de multiples bouquins, que ce soit Le Combat Ordinaire, Le Retour à la Terre, l'adaptation aussi qu'il avait fait du bouquin de Philippe Claudel, Le Rapport Brodeck, et là, c'est sa deuxième adaptation. Déjà, le bouquin de McCarthy, prix Pulitzer 2007, faut-il le rappeler, en fait, c'était un bouquin à la fois complexe et à la fois très simple, puisqu'en fait, c'est l'histoire de l'apocalypse, entre guillemets, qui est arrivée sur Terre. Et on suit, en fait, le père et un fils qui essayent de trouver une sorte d'Eldorado. Et Larcenet a retranscrit d'une manière incroyable l'ambiance de cet apocalypse, à base de dessins qui sont, j'allais dire lumineux, non, qui sont ténébreux plutôt. Mais le bouquin est formidable. C'est un truc incroyable. Il faut savoir que le bouquin de McCarthy s'était vendu à 800 000 exemplaires, donc il avait un sacré défi à relever. Il y avait aussi le film en 2009 avec Viggo Mortensen qui était pas mal. Larcenet en fait encore une fois autre chose. Et que dire ? C'est un bouquin incroyable. C'est un bouquin qui sort chez Dargo avec une version noir et blanc, une version couleur. D'ailleurs, je crois que la version noir et blanc est déjà épuisée. Ça va être encore un formidable succès, mais un succès absolument mérité. On s'écoute encore un tout petit peu de, pourquoi pas, de Jim Boggia avec son ukulélé, et on se fait la petite conclusion de Au rieur sanglier. Well, I love your best. It's not something that I say in jest, 'cause you're different girl from all the rest in my eyes. But I won't do it anymore. Can't you see the light in my eyes? In my eyes. Jim Boggia dans Au rieur sanglier. Alors voilà, c'est un petit peu la conclusion. On essaiera d'avoir à peu près ce format-là, hein. Peut-être 45 minutes à peu près. On ira peut-être jusqu'à une heure de temps en temps, en fonction de l'actualité. On se retrouvera donc chaque troisième mercredi du mois sur le 895 de Radio Dio, le mercredi à partir de 10h. Et on fait un petit récap de ce dont on a parlé pendant ces 45 minutes. Des choses formidables. On a parlé un tout petit peu des 20 ans des éditions Jargy, donc édition, maison d'édition stéphanoise, avec Un dromadaire dans la forêt. On a parlé aussi des deux bouquins musicaux incroyables que sont The Velvet Underground dans l'effervescence de la Warhol Factory à la boîte à bulles, des derniers jours de Robert Johnson chez Sarbacane, de deux bouquins aussi magnifiques que sont 109 de Jean-Christophe Chosy, que je vous recommande particulièrement, Entre deux gares, beaucoup plus léger, de Sébastien Sanson, Petite déception avec La Mare de Éric Krieck, et aussi T'inquiète, signé Beignet, Bouzard, Fabrice Herr, Fab Caro, Gilles Rochier. Un bouquin formidable, BD Jeunesse, Ma Petite Louve. Les deux incontournables pour moi que sont Le Meunier Hurlant et Le Meunier Hurlant, signé Nicolas Dumonteil, et La Route, l'adaptation du bouquin de McCarthy par Manuel Arsenet. Je rajouterai deux petites brèves concernant une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ça et Là, qui a la particularité en fait, d'éditer uniquement des auteurs étrangers. C'est le cas en l'occurrence en ce moment avec TP La Colline, signé Firat Yaza, qui est un auteur turc. Et puis Norbu, signé Annapurna, qui est une autrice espagnole, puisque son vrai nom c'est Ana Sanz Quesada. Et deux bouquins formidables. De toute façon, Ça et Là, c'est un éditeur qui fait à la fois des beaux livres, à la fois des grands livres, avec que des auteurs étrangers. C'est un parti pris que je trouve très intéressant. Et c'est ce qui va terminer Orilleur Sanglier pour ce mois. On se retrouve bien sûr avec grand plaisir le mois prochain. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site de Radio Dio, les www.radiodio.org. Si vous avez envie qu'on parle de certains bouquins, n'hésitez pas. Et on va terminer avec un générique plutôt sympathique, tiré des grandes séries télévisées. Je veux parler de Atomic batteries to power, turbines to speed. Batman. À bientôt dans Rieur Sanglier sur 895. Ciao.